C'est un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie et qui fuit. Un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie et qui fuit. Qui a tout simplement peur de lui. J'ai jamais su vraiment parler, du moins de moi, trop peur de faire chier, mais j'ai trouvé la solution. Ma gratte à la main, ma petite voix, quelques vers et quatrains, c'est moi le roi de ma chanson. Vu que j'avais pas parlé de moi, j'écoutais chacun parler de soi, mais c'était pas la bonne équation. À trop aider les autres, on s'oublie parfois, on se réveille un matin, il te reste quoi? Mauvaise direction, fausse diversion. C'est un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie et qui fuit. Un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie et qui fuit. Qui a tout simplement peur de lui. J'ai passé mon temps, tic-tac, tic-tac, à aider les autres, tic-tac, tic-tac, je suis de bons conseils. Alors j'ai écouté leur tic, leur tac, leur toc, mais dans tout ça, je me suis oublié, j'ai pas vu arriver que je gardais le meilleur du pire pour moi. Forcément, ce qui devait arriver, un jour arriva, et qui toi? Je sais pas, je sais plus, je suis perdu. Ça tourne plus rond, encore moins carré. Je pète les plombs, je deviens taré. Mais je fais ce qu'il faut pour pas que ça se voit. C'est un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie et qui fuit. Un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie et qui fuit. Qui a tout simplement peur de lui. Deviens ma boule, de jour en jour, j'évite la foule. Deviens ma boule, jour après jour, je continue, je coule. Je deviens ma boule, peut-être qu'un jour, je sortirai un foule. Et je serai plus ma boule, je redeviendrai un gars cool. C'est un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie qui fuit. Un mec ma boule qui perd la boule. Un mec ma boule qui part en couille, qui a peur de sa vie qui fuit. Qui a tout simplement peur de lui.